Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand à l'animation approximative et au choix des disques. Alors ce soir, nous irons très rapidement faire un petit tour dans les années 60 et 70, mais la majorité des musiques que vous entendrez sont issues des années 80, des trucs connus et moins connus. Alors on débute avec The Bed de Lou Reed. This is the place our children were conceived. Candles lit the room at night. And this is the place where she cut her wrists that odd and fateful night. And I said, oh, oh. That odd fateful night. And I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, what a feeling. And I said, sorry for the things I've said, sorry for the things I've done. I'm sorry but could not help myself. Oh, but it's gonna be alright, it's gonna be alright, it's gonna be alright. Wait and see, wait and see. You know I'm just a man, like any other man. Perfect is thing I'll never be. But it's gonna be alright. It's gonna be alright. Listen to me. It's gonna be alright. Wait and see. Wait and see. Your eyes. night, my darling. I hope you're satisfied. The bed is kinda narrow. Put my arms are open wide. And here's a man still working for your smile. À l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce premier bloc I Tried to Leave You du Montréalais Leonard Cohen, cet extrait de New Skin for the Old Ceremony, un album qui est paru en 1974. Ça a été précédé par Wait and See de Lee Hazlewood, cet extrait de l'album Love and Other Crimes qui est paru en 1968. On a débuté l'émission avec The Bed de Lou Reed, cet extrait de l'album Berlin, paru en 1973. Alors, on poursuit avec Message to Fred de Ferdinand. Mon cher, les hirondelles arrivent à l'instant. Elles s'engueulent sous les couloirs de navigation des longs courriers. Elles s'engueulent, volent, filent, piquent, planent. On regarde. À visière transparente est revenu. Il fait très, très, très, très, très chaud. Cette année, nous allons faire du tennis au ralenti. Thank you. lumière luisante dans le brouillard des rues mal famées. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très fort. Ouais, très fort. Que nous reste-t-il ? courrier est rare. Cela sent l'ennui. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous venez d'entendre dans ce deuxième bloc « Quart de tour, mon amour » du groupe belge Piscine et Charles. C'est extrait de l'album « Quart de tour, mon amour », un album paru en 1985. Piscine et Charles étaient constitués des musiciens Luc Remdonk et Dominique Outers. On a débuté le bloc avec Message to Fred du musicien français d'origine marocaine Hervé Richard Cochet, mieux connu sous le nom de Ferdinand Richard. C'est extrait de son album En Forme qui est paru en 1981. Ferdinand Richard est un des membres fondateurs du groupe Étron Fou le Loup Blanc. Il a aussi collaboré avec Alfred Hart et Fred Fritt, entre autres choses. Après la pause, on continue notre petit survol des années 80. Is that is a saving grace? Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix musical. Vous venez d'entendre dans le dernier bloc How Low Can You Go du groupe australien Essendon Airport. C'est extrait du EP Sonic Investigation of the Trivial, un EP paru en 1980. Essendon Airport est un groupe australien formé en 1978 et constitué de David Chesworth et de Robert Goodge. Ça a été précédé par la pièce JPX08 du groupe parisien Atom Crystal. C'est extrait de la compilation Atom Crystal et Satellite 1979-1985, une compilation parue en 2014. Atom Crystal est un groupe originaire de la commune parisienne de Puteau, constitué de Jean-Pierre Chatté et Michel Goujon. On a débuté ce bloc avec Creation is Perfect, I am a Camera, du groupe israélien Minimal Compact. C'est extrait de leur premier EP, One, un EP paru en 1981. Minimal Compact est un groupe originaire de Tel Aviv qui avait comme membres Malka Spiegel, Sammy Burnback et Berry Sakharov. Ils ont publié l'entièreté de leur parution sur l'étiquette belge Cramdisc. Alors, on poursuit avec A Melody, une version inédite de Serge Gainsbourg. De ses lèvres. l'amour nous enveloppe. Allez, remballe plein de plastique, fantasme de mec paléolithique. Et si mes manies manquent un peu de tact, c'est que tu me tapes sur le érotique. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air avec Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous venez d'entendre dans le dernier bloc Contrechamp magnétique du musicien français Philippe Doré et les Asociaux Associés. C'est extrait du disque Nouveau mode industriel, un album qui est paru en 1980. Philippe Doré a débuté sa carrière en 1969 avec le groupe Rotomagus, Et il a ensuite fondé le groupe Philippe Doré et les Associés au milieu des années 70. Et par la suite, il a collaboré avec Thierry Muller du groupe Illich. Ça a été précédé par Elle et moi du DJ français Jean-Pierre Serron, mieux connu sous le nom de Max Berlin. C'est extrait du 45 tours Elle et moi qui est paru en 1987. On a débuté le bloc avec A Mélodie, avec une prise de voix alternative. C'est une pièce évidemment de Serge Gainsbourg. C'est extrait d'Histoire de Mélodie Nelson, version de luxe. Un coffret qui est paru en 2011. C'est un coffret qui contient des versions complètes et inédites qui n'étaient pas sorties sur le disque original. Après la pause, Iggy Pop. Tonight, and all of it is yours and mine, and all of it. opinions. Where do they come from? Each day seems like a natural fact. And what we think changes how we act. We've all got opinions. Where do they come from? Distant thunder from the east. Won't disturb the morning calm. Each day seems like a natural fact. But what we think changes how we act. Change ideas changes what we do. Too much thinking makes me ill. I think I'll have another gin. A few more drinks, it'll be alright. Each day seems like a natural fact. And what we think changes how we act. A natural fact. Each day seems like a natural fact. Each day seems like a natural fact. Each day seems like a natural fact. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air avec Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous venez d'entendre dans ce dernier bloc This Is Your Life du groupe britannique Glaxo Babies. C'est extrait de l'album Put Me on the Guest List qui est paru en 1980. Ça a été précédé par Why Theory du groupe britannique Gang of Four. C'est extrait de l'album Solid Gold paru en 1981. Et on a débuté le bloc avec The Passenger d'Iggy Pop. C'est extrait de son album Lust for Life qui est paru en 1977 et qui était une collaboration de Iggy Pop et David Bowie. On poursuit avec Opposite Number de Gina X Performance. Am I a hit?

hail of warning, waiting for the tick to run. We've been moving around in different situations, knowing that the time would come just to see you torn apart. We can see our empty hearts. I need it, I need it, I need it. Through the wire screen, the eyes of those standing outside looked in at her, as into the cage of some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument as they had that morning, inserted deep into her body. She shuddered instinctively. No life at all in the house of dolls. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Things without the fun and learning, hoping that the truth will pass. No life underground, wasting, never changing, wishing that this day won't last. To never see you show your age, to watch until the beauty fades. I need it, I need it, I need it. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Nous étions en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre par courriel via notre blog échangeur avec un s.blogspot.com ou en faisant une recherche Échangeurs d'air CKRL, vous trouverez notre blog facilement. Vous avez entendu dans ce dernier bloc No Love Lost du groupe britannique Joy Division. C'est extrait d'une compilation A Recycle Sampler parue en 2010. Juste avant, vous avez entendu Icebar du groupe suisse Grauzone. C'est extrait du disque Grauzone paru en 1981. Grauzone est un groupe qui a été fondé à Berne en 1980 par Martin Escher, le frère de Stéphane Escher, Marco Repetto et Christian Tossel. On a débuté ce bloc avec Opposite Number du groupe allemand Jena X Performance. Cet extrait de l'album Extraordinaire, qui s'écrit X, trait d'union Traordinaire, un album qui est paru en 1980. Jena X Performance est un groupe originaire de Cologne qui était constitué de Jena Kikwan et du producteur Zeus B. Held, ainsi que différents musiciens de studio. Alors, c'est ce qui met un terme aux échangeurs d'air de cette semaine. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.